mois de novembre, une société chinoise va réaliser une grande première, envoyer en orbite un robot extracteur de ressources spatiales. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un essai, mais c'est un premier pas important vers le développement du minage dans l'espace. Il faut dire que depuis bien longtemps, la perspective de trouver des mines de métaux précieux en orbite fait saliver nombre d'entrepreneurs avec des perspectives de gains qui se chiffrent en millions de milliards de dollars. Mais tout cela n'est-il pas un peu précipité ? L'espace recèle-t-il vraiment les trésors qu'on lui prête ? La ruée spatiale vers l'or n'est-elle pas un miroir aux alouettes ? Minage spatial des plans sur la comète, c'est le programme alléchant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aller explorer ce far west, plein de promesses incertaines et comprendre s'il est possible qu'à terme l'espace devienne un nouveau terrain d'exploitation minière, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Francis Rocard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES et Julien Mariès, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service juridique du CNES, mais on commence notre tour dans l'espace par un rendez-vous ce soir, précisément entre une sonde spatiale et un astéroïde. C'est dans le journal des sciences et avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Mais pour commencer ce journal, une étude publiée dans la revue The British National Institute for Health Research sur ce qu'on appelle le Covid persistant. Le Covid persistant, le Covid prolongé ou encore le long Covid. Pendant le confinement, on a vu plusieurs hashtags sur Twitter comme après J20 ou après J60 où des malades partageaient leurs symptômes. Et l'un des groupes Facebook, Long Covid, compte déjà plus de 20 000 membres. Alors cette publication, c'est un résumé de ce que nous savons sur ce phénomène. Un nombre non négligeable de patients souffrent de différents symptômes jusqu'à 4 mois après leur guérison. Fatigue importante, difficultés respiratoires qui peuvent être gênants pour des activités physiques, des sensations douloureuses comme des gènes thoraciques et puis, chez certains, l'impression d'avoir des troubles neurocognitifs comme une sensation de brouillard dans le cerveau. Et parfois, ces symptômes se cumulent. Pierre Tadevin est chef de service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. Ces fameux Covid longs qui sont vraiment une des surprises de cette épidémie. Et une des situations peut-être les plus difficiles à gérer parce qu'on n'a pas vraiment d'idée très précise ni sur le mécanisme de ces symptômes qui durent longtemps, ni sur les meilleurs traitements à proposer aux patients. Alors, il parle de 4 symptômes prédominants, mais en fait on voit vraiment beaucoup de choses chez ces patients qui sont pas la majorité des Covid. Il faut quand même garder en tête que la plupart des patients qui présentent une Covid vont pouvoir reprendre une vie normale au bout de quelques semaines. Mais il y a un pourcentage qui est pas négligeable et qui restent gênés. Dans leur cohorte Royaume-Uni, par exemple, ils ont, mais c'est une estimation basse sans doute, mais ils ont considéré que parmi ceux qui avaient fait un Covid pas grave, sans fragilité, un mois après, il y a 10% des gens qui étaient encore impactés. Ça montre bien que c'est quelque chose qu'on n'a pas très bien compris, qui pose des problèmes dans la vie de tous les jours à pas mal de monde et pour lequel il faut qu'on fasse rapidement des progrès si on veut accélérer la récupération. Il y a un message important quand même avec ces symptômes, c'est que la tendance est à l'amélioration. Toutes les études disent que si on revient un mois plus tard, on a moins de gens qui sont gênés et parmi ceux qui sont encore gênés, les symptômes ont quand même plutôt tendance à s'améliorer. Plus ou moins vite, mais la tendance est plutôt positive. Alors, pas chez tout le monde, on n'a pas 100% de guérison encore, mais on a l'impression qu'avec le temps, les symptômes s'améliorent et le nombre de patients gênés diminue. L'autre point rassurant, c'est que beaucoup d'études ont été faites pour faire le point sur est-ce qu'il y a eu des lésions, est-ce qu'il y a des choses qui ont été abîmées par la Covid. Alors, ils font des scanners, ils font respirer les gens dans des tubes pour voir si les bronches fonctionnent bien, ils font des prises de sang, ils refont des prélèvements du virus. Ils font des échographies du cœur. Donc, il y a eu plein de choses qui ont été regardées pour essayer d'expliquer ces symptômes qui durent. Et la bonne nouvelle, c'est que 95% de ces examens n'ont rien retrouvé de particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'abîmé, donc ça doit pouvoir se remettre à fonctionner normalement. Voilà, vous pouvez retrouver l'étude initiale publiée dans le British National Institute for Health Research sur notre fil Twitter, @medodefc, ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Ce soir, la sonde Osiris Rex de la NASA va donc prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu. Oui, et l'opération sera diffusée en direct à partir de 23h sur le site de la NASA. Voilà 2 ans que la sonde observe et collecte des informations précieuses sur cette relique de notre système solaire primitif. Alors cette nuit, la sonde va se rapprocher de l'astéroïde Bennu, puis l'instrument TAXAM, un bras robotique de 3 mètres de long, va prélever un échantillon de son sol. Il soufflera de l'azote sous forme gazeuse pour éjecter des poussières. La collecte devrait durer 10 secondes pour prélever environ 50 grammes. Si tout se passe bien, les échantillons seront de retour sur Terre en 2023. Et selon une étude parue dans la revue Optica, pour maximiser l'efficacité des panneaux solaires, il suffit de changer la gravure de leurs motifs. Une équipe internationale a découvert que dans les conceptions de cellules solaires, si l'on modifie la position du motif du réseau, cela peut augmenter le courant généré par le silicium cristallin. Selon les structures des cellules photovoltaïques, en ligne croisée, en système triangulé ou en damier, cela peut optimiser la diffusion et la diffraction de la lumière du soleil. Les chercheurs ont prouvé qu'une certaine forme de structure génère plus de courant. De cette façon, les chercheurs ont augmenté l'efficacité des panneaux solaires de 125%. Et enfin, l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, vient de découvrir en région parisienne un site préhistorique du paléolithique moyen occupé vraisemblablement par des hommes et des femmes de Néandertal. Des Néandertaliens aux portes de Paris. À Clichy-la-Garenne, près des berges de la Seine, les archéologues ont découvert à 4 mètres de profondeur des silex taillés. Selon la technique de taille dite méthode Levallois, une technologie typique des Néandertaliens. Depuis les chantiers, les grandes carrières de Clichy-le-Valois entre 1860 et 1870 qui ont révélé la présence d'humains préhistoriques dans ce bassin parisien, c'est la première fois que l'on retrouve des outils de cette période, des outils mais aussi une défense de mammouths laineux ou d'éléphants antiques. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Voilà, on vient d'en parler justement, on saura dans la nuit si Osiris Rex a réussi sa collecte d'échantillons sur l'astéroïde Bennu, ce qui intéresse bien sûr les astrophysiciens, mais aussi, au premier chef, les futurs chercheurs de métaux précieux spatiaux. Car si Osiris Rex remplit sa mission, ce sera une preuve de concept supplémentaire que l'on peut ramener sur Terre un peu plus que le petit gramme qu'avait récolté la première sonde Hayabusa, et donc, par extension, que l'on peut aller forer à distance un objet céleste en rapportant le contenu sonnant et trébuchant sur Terre. Parce que, eh bien, outre les besoins de minage générés par l'exploration spatiale, comme la nécessité d'aller récupérer directement de l'eau sur la Lune pour une future base lunaire, plutôt que de l'apporter depuis la Terre, ou pourquoi pas, et on en reparlera, retrouver et extraire de l'hélium-3, tous les regards sont tournés vers ces petits bijoux orbitaux dont on suppose depuis des années qu'ils sont de véritables gisements de métaux précieux, comme en atteste notre archive du jour. Nous sommes bien dans l'interactualité en mars 1953. Nouvelle de l'espace d'abord. Aucun doute, la course à la Lune est maintenant engagée entre l'Amérique et la Russie. Mais personne ne peut dire qui arrivera le premier. Hier, budget spatial américain record. Les 3/4 de l'augmentation. 1,5 milliard de dollars iront au programme lunaire. Plusieurs phases avant d'envoyer des hommes sur la Lune, on en verra d'abord, et ce sera bientôt, en 1963-1964, des robots qui auront pour mission d'explorer la surface lunaire, de donner toutes indications sur sa nature, sa radioactivité, sa température, etc. Pour les Américains, l'envoi d'astronautes est prévu ensuite vers 1967-1970. D'ici quelques années donc. Les Russes arriveront-ils avant sur l'astre de nos nuits? Toute la question est là. Autre chose de véritablement surprenant, et pourtant c'est extrêmement sérieux. C'est une communication d'un ingénieur de la General Electric Company à l'Association Astronautique Américaine. Cela s'est fait hier. Selon cet expert, il se nomme Monsieur Cole, il serait possible bientôt de capturer des astéroïdes. Pourquoi le faire? C'est que les astéroïdes contiennent des gisements incalculables de métaux précieux. Et Monsieur Cole a cité l'exemple de l'astéroïde Ivar, dont le diamètre est de 5 km et qui passe à 70 millions de kilomètres de la Terre. L'analyse spectrographique de cet astéroïde montre qu'il contient pour près de 50 milliards de dollars de platine. Or, il existe des millions d'astéroïdes semblables dans le ciel, et Monsieur Cole pense que d'ici 10 ans, on aura mis au point la technique pour les capturer. Les astronautes s'en approcheraient dans des fusées et ils parviendraient à leur faire quitter leur orbite en les bombardant avec des bombes nucléaires. Tout cela paraît invraisemblable, mais quoi ? Mais quoi ? Eh bien, c'est la question que je vais vous poser, Francis Rocker. On était en 1953, alors on ne capture pas encore les astéroïdes dans des filets, on ne les bombarde pas encore avec des bombes nucléaires, mais en tout cas, on voit que dès 1953, l'appât du gain est là. Oui, c'est assez incroyable, cette archive. Je ne savais pas que dès 1953, il y avait des projets d'aller capturer des astéroïdes et pour extraire le platine. Mais oui, c'est effectivement aujourd'hui encore l'idée qui est derrière la tête de certains exploitants miniers qui veulent absolument faire du business, je dirais, avec ces astéroïdes. Mmh. Julien Mariette, une réaction à cette archive ? Bon, non, effectivement, c'est assez surprenant d'un point de vue, je dirais, en termes de temporalité. C'est vrai qu'en 53, on était encore assez loin d'une exploitation des corps célestes. On n'était pas encore sur la Lune. Il n'y avait aucune norme, déjà, à l'époque, qui régissait les activités humaines dans l'espace, puisque les traités internationaux ont été élaborés dans les années 60-70. Donc, c'est vrai que ces perspectives d'avoir une exploitation commerciale d'astéroïdes en les capturant, c'est vrai que ça paraissait relever de la science-fiction, je pense, à l'époque, plutôt que d'une vraie réalité. On reparlera bien sûr de ce fantasme de l'astéroïde au cœur d'or ou de platine ou de métaux précieux, mais avant cela, il est indéniable, en tout cas, Francis Rocard, que depuis quelques années, il y a une sorte d'engouement économique et industriel autour de cette idée du minage spatial, d'ailleurs au sens large du terme, hein, pas uniquement des astéroïdes, mais aussi éventuellement sur notre satellite ou sur d'autres corps célestes. Oui, c'est vrai. Ça fait une bonne dizaine d'années que beaucoup de projets font des annonces pour soit aller exploiter effectivement les mines d'astéroïdes, soit aller exploiter l'eau au pôle sud de la Lune. Donc, il y a pas mal de sociétés qui, beaucoup américaines d'ailleurs, qui font des études de ce type. Et ça semble difficile, mais pas complètement impossible. Après, il faut voir si le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Mmh. Julien Mariette, cet engouement, il est strictement motivé par l'appât du gain et par cette idée de l'astéroïde au cœur de platine, ou est-ce qu'il y a d'autres défis, à votre avis, qui sont derrière cette volonté d'être capable de réaliser cette prouesse technologique, de pouvoir aller faire du minage dans l'espace? Bon, l'appât du gain, c'est évidemment un moteur puissant de l'activité humaine, on le sait évidemment, mais ce n'est pas le seul. Bon, Francis pourrait en parler mieux que moi, mais la NASA, par exemple, elle a dans l'idée d'installer une base lunaire permanente à l'horizon 2024, enfin fin décennie 2020, à des fins plutôt scientifiques. Et cette base lunaire permanente supposera évidemment, vous l'avez dit en introduction, l'utilisation de ressources in situ, plutôt que de les ramener depuis la Terre. Donc il y a des enjeux évidemment économiques, mais également scientifiques, qui motivent potentiellement l'exploitation des ressources des corps célestes. Mmh. Francis Rocard, comment est-ce qu'il faut comprendre l'essai chinois de la société Origin Space, dont je parlais en introduction, hein, qui doit lancer donc, au mois de novembre, un premier satellite d'extraction? Ben, je dirais que toutes ces start-up, qu'elles soient américaines, chinoises ou de par le monde, envisagent d'aller donc exploiter des astéroïdes. Mais la première étape, ça consiste à chercher la perle rare. Voilà. Il faut chercher l'objet qui pourrait être intéressant. Aujourd'hui, on l'a pas trouvé. Et pour cela, il faut on peut le faire avec des missions spatiales relativement simples, qui sont des télescopes en orbite. L'intérêt serait par exemple de se situer dans une orbite intérieure à l'orbite de la Terre, c'est-à-dire du côté de l'orbite de Vénus, et parce que on aurait le Soleil dans le dos, on serait beaucoup moins ébloui par le Soleil, et ça permettrait de repérer tous les objets qui passent près de la Terre. Et s'ils passent près de la Terre, ils sont relativement faciles d'accès, avec ce qu'on appelle des variations de vitesse ou delta V qui sont minimes, et en gros la taille de la fusée sera relativement limitée. Et, ensuite, il faut les caractériser. Et caractériser à distance, il n'y a pas 36 façons de faire. La méthode la plus utilisée et la plus efficace, c'est de faire le spectre dans le domaine infrarouge, qui est le domaine des vibrations, des molécules et des cristaux que constitue la surface de ces objets. Et par ces raies d'absorption, on peut identifier, par exemple, le radical OH qui semble indiquer que le stéroïde est hydraté. On peut détecter la vibration des CH qui indique qu'il y a du carbone, etc., etc. Après, il est plus difficile de repérer par cette technique les par exemple le platine qui a été cité dans votre archive. Pourquoi ? Parce que ces métaux sont d'une part extrêmement rares et d'autre part font des pas forcément des raies d'absorption détectables en infrarouge. Donc c'est là l'affaire se complique un peu, mais c'est la méthode, je dirais, c'est la méthode numéro un avant de passer à des technologies et la moins chère et avant de passer à des preuves de concept, comme vous disiez, plus élaborées. On va reparler de cette question des raies d'absorption et de la difficulté exacte à caractériser les astéroïdes et leur nature précise. On va essayer de vous recontacter d'ailleurs, Francis Rocard, parce que c'est vrai que la liaison téléphonique est pas extraordinaire, mais on va parler dans un premier temps aussi des obstacles juridiques qui se dressent sur la route de la possibilité d'aller miner dans l'espace, parce que il y a tout de même pour une fois des législations internationales et vous allez voir que tout n'est pas si simple. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et 16h16, nous parlons donc du minage dans l'espace, des possibilités de miner des astéroïdes, ou pourquoi pas d'aller faire du minage sur la Lune. Nous en parlons avec Francis Rocard et Julien Mariez. On a entendu depuis 53 donc ce rêve d'aller forer des astéroïdes qui pourrait rendre milliardaires les personnes qui s'attribuent ces ressources. Mais il y a donc plusieurs obstacles, des obstacles juridiques, techniques et scientifiques. Eh bien, on va commencer par ces premiers obstacles législatifs, disons, puisque Julien Mariez, il y a un traité de l'espace qui, pour une fois, pour un traité international, est contraignant depuis 1967. Tout à fait, un traité contraignant élaboré pendant la guerre froide, qui avait fait l'objet d'un consensus entre les deux superpuissances de l'époque, États-Unis et RSS. Et ce traité, comme vous le dites, énumère des règles contraignantes pour les États, ce qui est effectivement pas original, mais disons assez notable dans le domaine spatial. Que dit-il ce traité ? Alors, il le consacre en fait plusieurs grands principes qui vont régir l'exploration et l'utilisation de l'espace. Le premier principe, le plus connu, je dirais, c'est le principe de liberté d'utilisation et d'exploration. Donc les États, les opérateurs sont libres d'aller sur un corps céleste, dans l'espace, de l'explorer, sans demander une autorisation à l'ONU, par exemple. Mais ce principe de liberté, il est aussi encadré. Il est encadré par des principes qui viennent le contraindre quelque peu. Et parmi ces grands principes, vous avez également l'interdiction de l'appropriation de l'espace et des corps célestes. Donc ça veut dire qu'un État ou un particulier ne peut pas déclarer une souveraineté pour un État ou prétendre s'approprier un corps céleste pour un particulier. C'est totalement interdit, prohibé par le traité. Et donc, évidemment, le débat qui est né de cette interdiction de l'appropriation des corps célestes, c'est peut-on en revanche s'approprier les ressources qui y sont contenues ? Peut-on faire un distinguo entre le corps en tant que tel et ses ressources ? Alors la question, en fait, a été traitée par les Américains en 2015. Mm-hmm. Par l'administration Obama, d'ailleurs. Tout à fait, c'est Obama qui a effectivement promulgué une loi adoptée par le Congrès. Le Space Act. Le Space Act, exactement. Et ce Space Act, en fait, prévoit en substance que les citoyens américains, entreprises, particuliers, sont tout à fait habilités, après autorisation de l'administration américaine, sont habilités à se prévaloir de la propriété des ressources de l'espace. Donc, ce qui inclut leur possession, leur cession, leur transport. Voilà. Et donc, cette législation qui a été finalement promulguée par les États-Unis sans réelle concertation préalable au niveau international a soulevé des questionnements juridiques sur son bien fondé et aussi des protestations de la part de certains États qui n'étaient pas du tout d'accord avec la vision américaine. On peut évidemment penser à la Russie qui l'a fait savoir de façon assez bruyante au niveau de l'ONU. Mmh. Oui, en disant que finalement, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est ce Space Act ou les accords Artemis qui étaient considérés par la Russie quasiment comme une invasion de l'Iran ou de l'Afghanistan, c'est-à-dire quasiment comme un acte de guerre, ça ? C'est tout à fait. C'est le Space Act, effectivement, et ce qui a suivi, ce que Trump a adopté en avril dernier, un décret qui vient confirmer en fait la doctrine édictée par le Space Act. Et effectivement, les Artemis Accords, dont on reparlera, je pense, plus loin dans l'émission, sont venus compléter le corpus juridique entre guillemets américano-centré. Et effectivement, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos a déclaré que c'était assimilable, effectivement, à un acte d'invasion de l'Afghanistan, bon, ce qui est évidemment très excessif, mais en tout cas on voit bien ici l'opposition farouche que la Russie peut avoir vis-à-vis de la façon de procéder des États-Unis. Parce qu'il s'agit finalement d'une sorte de déclaration unilatérale, c'est-à-dire de s'octroyer le droit à soi et à son pays, à contrario et au détriment finalement de ces traités de l'espace qui a été signé en 67. Oui, enfin, disons que les Américains, alors je ne veux pas dire que c'est une habitude chez eux, ce serait évidemment un peu caricatural, mais si vous voulez, il faut savoir que dans le domaine spatial, l'ONU dispose d'un comité qui est chargé de réfléchir et d'élaborer les normes applicables aux activités spatiales. Il se trouve que ce comité, il est paralysé depuis plusieurs années parce qu'il fonctionne par consensus et que trouver un consensus à l'heure actuelle entre la Russie, la Chine, les États-Unis et d'autres, c'est pour ainsi dire impossible. Donc les Américains, ils savaient pertinemment qu'ils n'arriveraient pas à trouver les conditions, propices à l'élaboration d'un instrument international qui les satisfasse dans le cadre de l'ONU. Et donc, plutôt que de perdre du temps, en atermoiement à l'ONU, ils ont décidé d'édicter cette réglementation, cette législation nationale, et ensuite, dans un second temps, de rechercher, des soutiens internationaux via les accords Artemis, qui sont donc en fait des accords conclus entre les États-Unis et leurs partenaires sur le programme Artemis. Qui sont les partenaires en l'occurrence ? Alors, il y a donc 7 partenaires qui ont été dévoilés la semaine dernière lors d'un congrès international et qui sont donc des pays du Commonwealth, on va dire, des pays anglo-saxons, donc Royaume-Uni, Australie et Canada, le Japon et les Émirats Arabes Unis, qui sont un acteur montant du secteur spatial, et puis 3 États européens, l'Italie, le Luxembourg et le Royaume-Uni. C'est intéressant parce que le Luxembourg, en 2017, a fait un peu une sorte de Space Act luxembourgeois, en quelque sorte. C'est-à-dire en adoptant une loi qui allait dans le même sens pour des sociétés qui s'implantent sur le territoire luxembourgeois et qui, du coup, pourraient disposer également des ressources spatiales. Tout à fait. Le Luxembourg a adopté une loi qui, d'inspiration tout à fait similaire à celle des États-Unis. Cette loi s'est doublée, d'un programme d'attraction de sociétés fiscales, on peut le dire, pour attirer effectivement des compagnies, des startups, qui ont pu effectivement s'établir au Luxembourg et bénéficier de certains avantages. Et le Luxembourg a clairement dit dans sa loi que les ressources spatiales pouvaient être appropriées par leurs ressortissants. Et plus récemment, cette année, les Émirats Arabes Unis ont adopté une loi similaire. Donc on a 3 États aujourd'hui qui ont adopté de telles lois. On a ces Artemis Accords qui sont quand même signés par des puissances spatiales d'envergure, Japon, Royaume-Uni, Italie, États-Unis. C'est quand même des États assez importants. Et donc, ce faisant, je dirais que les États-Unis, je ne vais pas dire qu'ils ont gagné la partie. Je ne dirais pas qu'ils ont gagné le débat forcément, parce que les Russes, par exemple, on peut penser qu'ils continueront à s'opposer au niveau de l'ONU aux prétentions américaines. Mais on voit qu'il y a quand même une dynamique en faveur de l'interprétation américaine des traités. Et cette interprétation, elle consiste à dire que les ressources sont appropriables sans qu'on revendique forcément la propriété ou la souveraineté sur un astéroïde ou sur une partie de la Lune ou de Mars. Francis Rocard, votre sentiment vis-à-vis de cette évolution un peu à marche forcée de la législation dans le pas des États-Unis ? C'est pas surprenant. Les États-Unis fonctionnent de moins en moins en multilatéral. Ils veulent imposer en bilatéral leur façon de faire et donc via des accords comme Julien l'a très bien expliqué. Et tout ça n'est pas très surprenant. Je note que la France n'a pas encore signé, que l'Agence spatiale européenne n'a pas signé les accords Artemis. Et donc l'affaire ne fait que commencer. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la position ni de France ni de l'Agence spatiale européenne sur ce sujet. Peut-être que Julien en sait plus. C'est vrai, Julien Mariès, pourquoi la France n'aurait pas signé ces accords Artemis ? Elle n'y a pas d'intérêt ? Déjà, pour l'instant, ceux qui ont signé les accords Artemis sont des États qui ont été identifiés comme participants au programme Artemis. Le programme Artemis, il faut nous rappeler ce que c'est en deux mots. C'est, alors, c'est un programme Apollo. Voilà, c'est un programme américain qui vise donc à faire revenir l'être humain sur la Lune en 2024 et à terme à établir une base lunaire habitée de façon permanente. Voilà. Et donc, à la différence d'Apollo, les États-Unis mènent ce programme en coopération. Donc, ils auront besoin de contributions de différents États pour mener à bien ce projet. Pour l'instant, la France réfléchit toujours à son niveau d'implication dans le programme. Est-ce qu'on interviendra dans le programme de façon, je dirais, nationale, directement, ou est-ce qu'on participera par le biais de l'Agence spatiale européenne? C'est des questions qui sont encore à l'étude, et c'est une des raisons pour lesquelles la France n'a pas encore signé les accords Artemis, mais nous avons été approchés par nos partenaires américains. On a parlé de ça avec eux. Donc, les options sont sur la table. Le CNES n'a pas de position officielle encore là-dessus? Non, parce que c'est une réflexion au niveau du gouvernement qui est amenée entre tous les ministères concernés, en particulier le ministère des Affaires étrangères, qui est évidemment garant de la position de la France à l'international. Donc le CNES apporte, je dirais, une expertise technique, juridique aussi, mais c'est une décision qui appartient au pouvoir politique français au premier rang. Et qui donc sera, je dirais, étudié et sûrement tranché dans les mois qui viennent. Ça, c'est pour l'aspect juridique. On pourra évidemment y revenir ponctuellement en fonction des situations qu'on va évoquer. Mais j'aimerais qu'on en vienne maintenant à la promesse de richesse qu'on en disait tout à l'heure. Il y a notamment un objet qui suscite toutes les convoitises, qui s'appelle Psyche 16, qui est un astéroïde dont la valeur en métaux précieux est estimée, alors accrochez-vous bien, à 700 quintillions de dollars. Quintillion de dollars, c'est beaucoup trop de zéros derrière le 7. Plus de 20, peut-être 30 d'ailleurs. On a essayé de compter, ça dépend si on prend le système de comptage américain ou français. Bref, en tout cas, c'est beaucoup. Et pour lequel une mission doit partir normalement d'ici 2026. Bonjour Céline Dezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé voir s'il n'y avait pas moyen de gratter quelques petits cailloux précieux. Tout à fait, oui. Je suis allée à l'Observatoire de Paris pour rencontrer Mireille Birland, qui est astronome et surtout spécialiste des astéroïdes. Il a travaillé, lui, sur des grandes campagnes d'observation pour déterminer la composition chimique, mais aussi la dynamique de 16 Psyche. En étudiant les spectres d'absorption dans l'infrarouge, lui et ses collègues ont pu détecter plusieurs types de métaux, fer, nickel et peut-être même de l'or. Alors on sait que c'est un astéroïde de type métallique, mais les astronomes pensent qu'il pourrait s'agir en réalité d'un noyau de petites planètes dont il ne resterait plus que le noyau. C'est donc aussi pour cette raison que les chercheurs l'étudient, pour comprendre cet objet original et qui ne ressemble à aucun autre dans la ceinture. L'astéroïde 16 Psyche, il est très intéressant parce qu'il a une particularité. Depuis le sol, nous avons pu constater que l'objet contient une forte quantité de métaux. Il est assez brillant, il faut le dire, parce que sa taille estimée, c'était autour de 200 km. Et donc, nous l'avons observé avec le télescope de 3 mètres situé au Hawaï, donc IRTF s'appelle, avec un instrument qui s'appelle SPEX, un spectrographe. Et nous l'avons observé aussi dans le visible, mais avec plusieurs instruments autour du monde, plusieurs télescopes autour du monde. C'est avec cet instrument qu'on a pu estimer la quantité de métaux présents à sa surface? L'estimation n'est pas si facile, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des bandes d'absorption. Sur le spectre de Psyche, c'est un peu difficile parce que le spectre d'un métal, c'est un spectre plat avec un rougissement du spectre. Donc c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une dégénérescence. Donc on peut obtenir le même spectre en combinant plusieurs types de minéraux, pas forcément de métaux. Donc on ne peut pas avoir une signature spectrale pour tel ou tel type de métaux, par exemple du fer, du nickel, du platine? Pour cela, il faut en fait recouper l'information. Donc l'analyse spectrale va nous donner une pente spectrale. Donc ici, c'est ce que nous avons, c'est un spectre du visible. On part de 0,45 microns et on va jusqu'au 2,5 microns. C'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a une pente positive, donc l'objet, la réflectance spectrale grandit vers le rouge, vers 2,5 microns. Et donc, il y a une pente spectrale positive. On sait comment se comportent les métaux si on les analyse en laboratoire. Donc, c'est un comportement similaire. Et également, c'est ce qu'on voit ici sur le spectre. On voit une toute petite bande d'absorption. Cela veut dire que sur la surface de l'objet, il y a des silicates aussi. Donc, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est la réflexion produite par une couche fine à la surface de l'objet, les régolithes. Et ce régolithe-là, cette signature, petite signature spectrale, nous dit que le régolithe en question contient aussi des silicates. Donc, s'il y a du métal, il y a aussi des silicates. Donc, il y a des composants de silicium. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la masse volumique des objets. Et sur cet objet-là, on utilise un instrument qui a 8 mètres de diamètre avec un détecteur qui est extrêmement, extrêmement complexe. Et il arrive qu'avec cet instrument, on peut voir des détails sur la surface des Psyche. Et d'ailleurs, on peut le voir dans votre publication avec cette série de photographies, en quelque sorte, où on voit vraiment bien le profil. Oui, et on voit en fait que le profil, la forme n'est pas une forme très régulière. Donc on voit juste une hémisphère. Et sur cette forme-là, nous pouvons également déceler deux zones qui sont différentes en termes de brillance. Et cela prouve que sur la surface, on a une évidence d'une collision dans le passé assez violente. L'objet, en fait, est particulier dans le sens où on a très, très peu d'objets de cette taille-là qui ont une signature spectrale vers les minéraux métalliques, riches en métaux. Et donc, on pense qu'il s'agit d'un objet évolué. Ça veut dire qu'à un certain moment, toute la matière a été en fusion. Les métaux se sont condensés dans un noyau. Ensuite, il y avait un manteau et une croûte. Donc, Psyche serait le vestige d'une petite planète ? Psyche sera un vestige d'un planétésimal qui, en fait, a perdu tout ce qui était couverture extérieure. C'est ce qu'on pense. Dans la presse, on a beaucoup lu que Psyche était très très riche en métal et qu'il était. On lui a même donné une valeur à plusieurs quintillions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut estimer la valeur dans la mesure où on ne sait même pas finement la composition en métal? Il ne faut pas savoir la composition à une centime près. Mais par contre, on sait par exemple, on a une estimation de masse qui avoisine les 10 puissant 20 kg, donc c'est une masse assez importante. Ensuite, on sait par exemple, avec des mesures de volume comme nous avons fait, on sait par exemple quelle est la masse volumique. Elle approche, elle avoisine les 4 grammes par centimètre cube. Donc vous vous imaginez, on est certainement sur des valeurs de masse volumique supérieures à tout ce qu'on a eu pour l'instant en tant que mesure. Donc c'est sûr, certain que cette masse volumique nous prouve que la quantité de métal est beaucoup plus importante que sur d'autres objets. Même donc, si on n'arrive pas à distinguer la portion en fer, en platine, en or peut-être. Il y a des gens qui se penchent sur la question des richesses et des minéraux, mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas actuellement le plus. La question, je pense, elle sera pertinente plutôt dans quelques décennies. Maintenant, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire du côté scientifique avant que les industries s'intéressent vraiment, vraiment à l'exploitation de ce type de minéraux. Voilà le reportage autour de 16 Psyche, peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, Francis Rocard. Oui, je suis pas très surpris de ce qui a été dit, c'est qu'en fait, encore une fois, les astéroïdes métalliques sont les astéroïdes qui sont les plus intéressants pour y trouver des métaux rares, que ce soit des terres rares ou la famille du platine. Or, ces éléments ne donnent pas de bande d'absorption dans l'infrarouge tel qu'on puisse les observer depuis le sol. Et donc, finalement, on est sûr de rien. On est sûr de rien en termes de composition. Et même si on avait une composition mesurée par ces spectres, cela ne nous permettrait pas forcément d'extrapoler à l'intérieur, puisque il s'agit d'un volume. Et il s'agit de savoir combien de kilos ou de tonnes de platine. Néanmoins, on a quand même des références intéressantes qui s'appellent les météorites métalliques. Mmh. Et ces météorites métalliques, elles ont pour des raisons évidentes, elles sont extrêmement solides, donc elles sont peu détruites au moment de la rentrée atmosphérique, et on en a un grand nombre dans les collections, et donc on sait que typiquement une météorite métallique contient à peu près 400% de fer et 20% de nickel, qui sont deux métaux dont je doute que il soit rentable de les exploiter. Mmh. Et il y a un petit pourcent de tout le reste. Tout le reste, commençant par le cobalt, et puis ensuite, dans le 0,1%, on commence à avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Et donc, on est dans des quantités extrêmement faibles, et les météorites métalliques ne nous disent pas que on pourrait trouver, il n'y a pas de météorite métallique qui serait très très riche en platine, par exemple. Mmh. C'est quelque chose qui n'existe pas. Première remarque. La deuxième remarque est importante, c'est comment sur Terre on peut avoir des minerais importants de concentration de métaux comme du cuivre, du nickel, etc. C'est parce qu'il y a eu des phénomènes liés à l'activité volcanique et donc il y a et notamment avec l'eau et les volcans, vous avez des effets d'activage, vous avez des effets de transport de ces métaux qui peuvent se retrouver soit dans des phases fluides magmatiques, soit transportés par la dissolution de l'eau et après concentration. Ces phénomènes-là, je doute qu'ils aient existé sur des astéroïdes, parce que les objets sont extrêmement petits, et donc ils ont beaucoup moins d'activité volcanique et beaucoup moins d'eau. Mmh. Donc s'il semble douteux de trouver un objet complètement atypique qui aurait par exemple des quantités astronomiques de platine en pourcentage, rien que quelques pourcents de platine, c'est énorme. On l'a toujours pas trouvé et ça sera compliqué à trouver à mon avis. Julien Mariez, votre point de vue sur ce reportage et sur ce fantasme un peu de l'astéroïde de platine pour lequel pour le moment on n'a pas tant de preuves que ça. J'ai pas de réaction particulière, hein, déjà de point de vue juridique. Peut-être la question, Francis Rocard, c'est pourquoi est-ce que, puisque il ne nous pleut pas littéralement du platine ou des métaux de la famille des platines dessus, puisqu'on n'en retrouve pas, d'où vient ce fantasme qu'on va réussir malgré tout à trouver des astéroïdes qui seraient de cette nature ou de cette composition dans l'espace? Vous savez, je me pose moi-même la question, et quand je vois des annonces faites par ces start-up, j'essaye de lire ce qu'ils disent dans les documents qui sont diffusés. Et quand vous lisez bien ce qui est écrit, vous apercevez que l'exploitation réellement minière, elle est pratiquement pas évoquée. Et en fait, ils s'orientent à court terme beaucoup plus sur la recherche de l'eau. Qui est un autre sujet dont on va parler, mais en pratique, il y avait pas mal de faillites déjà de ces petites start-up. Le business plan, pour parler en franglais, le business plan est extrêmement difficile à garantir, et la technique d'extraction sur un objet supposé métallique en gravité nulle, pour une technologie absolument gigantesque. On est en gravité nulle, ça veut dire que dès que vous allez taper dans quelque chose, c'est vous qui allez reculer, donc il faut se créer. Vous êtes sous vide, donc le comportement du matériau va être extrêmement difficile à maîtriser. Enfin, tout ça me paraît complètement fou. Personnellement, je vois pas très bien comment on pourrait y arriver. Ça me paraît totalement spéculatif. Eh bien, on va parler justement dans les prochaines minutes et dans la deuxième partie de cette émission de la question de l'eau, notamment de l'eau sur la Lune. Et puis, on va également parler de la question technologique. Aujourd'hui, sommes-nous en mesure, avons-nous la technologie suffisante pour aller réaliser du minage dans l'espace? On en parle dans quelques instants. We'll be right back. Massive Attack, Splitting the Atom à 16h40 sur France Culture. Nous parlons de minage spatial, des fantasmes qui y sont liés, de la réalité de nos capacités à aller miner ou des atomes ou d'autres corps célestes, notamment notre satellite. Nous en parlons avec Francis Rancard, qui est responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, et Julien Mariès, qui est chef du service juridique toujours au CNES. Alors si on a douché un peu dans les minutes précédentes les espoirs de trouver un insondable ou un incommensurable trésor spatial qui se compterait en quintillions de dollars, reste une question de taille. Est-ce que la technologie pour miner dans l'espace est disponible? Est-ce que nous savons faire? Est-ce que nous saurions le faire? Peut-être qu'on peut commencer, Francis Rocard, par la question des astéroïdes, puisque on l'a dit, Origin Space, qui est une société chinoise, va envoyer au mois de novembre un premier petit satellite de test, hein, d'une trentaine de kilos, mais compte en envoyer d'autres plus tard. Quelles sont aujourd'hui les techniques dont nous disposons qui permettraient éventuellement d'aller extraire du minerai sur un astéroïde, pour commencer? Alors, concernant le minerai sur donc un astéroïde métallique, comme je le disais précédemment, ces techniques sont extrêmement difficiles, puisque il faudrait le purifier sur place, puisque l'essentiel du matériau, c'est du ferro-nickel, qui n'a aucun intérêt sur le plan financier. Donc il faut se débarrasser de ce fer et de ce nickel, et ça, on sait le faire dans des hauts fourneaux sur Terre. Donc il faut chauffer à des températures de plusieurs milliers de degrés, et vous imaginez que dans l'espace, c'est extrêmement difficile à faire. Personnellement, je n'ai jamais vu la moindre étude concrète sur la technique de séparation d'un minerai sur un astéroïde métallique. Donc rien n'a été écrit, il n'y a même pas des études papier sur le sujet. On est dans quelque chose d'extrêmement difficile, qui nécessite beaucoup beaucoup d'énergie, puisqu'il faut chauffer à des très hautes températures, il faut faire fondre du métal pour séparer les différents métaux possibles. Et c'est, à mon avis, d'une complexité inouïe. Alors néanmoins, par exemple, là, cette nuit, aux alentours, je crois, de minuit heure française, OSIRIS-REx va réussir à prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu. Est-ce qu'on pourrait pas partir sur des techniques qui ressembleraient, alors c'est très peu, hein, c'est 50 à 60 grammes, mais est-ce qu'on pourrait pas penser à des techniques de cet ordre-là qui relèveraient du même type de pratique pour réussir à récupérer tout et à ramener tout sur Terre, et ensuite à faire le tri une fois qu'on a récupéré le matériau? Alors, OSIRIS-REx va faire ce qu'on appelle un touch and go, c'est-à-dire qu'elle va se poser pendant juste une dizaine de secondes, Elle a une trompe de 3 mètres qu'on appelle le TAG, TAG-SAM, et qui est en fait une espèce de soufflerie et une galette. Et donc on envoie du gaz sous pression. Ça va déplacer les petits grains qui se trouvent, on a plaqué la galette au sol, les petits grains sont soufflés et vont être évacués dans un phénomène de circulation d'air à l'intérieur de la galette jusque dans un compartiment fermé où les grains sont piégés. Et cette technique est relativement simple et d'ailleurs assez assez intelligente. Les Japonais utilisent des billes d'acier qui s'avère beaucoup moins efficace puisque, par exemple, sur Hayabusa 2, on aura moins d'un gramme, peut-être un dixième de gramme, et alors que sur Osiris Rex, suivant la nature, j'y reviendrai, la granularité du sol, au minimum 60 grammes, et on peut monter jusqu'à 2 kilos. La 2 kilos, c'est la capacité du collecteur à récupérer du matériau. Ceci dit, Osiris Rex a une très mauvaise surprise. La très mauvaise surprise, c'est que le sol de Bennu n'est pas du tout un régolithe fin avec du sable, on va dire, quelque chose qui aurait la taille de quelques millimètres, ou voire quelques centimètres. Ça, c'est la taille idéale pour collecter. Mais on a affaire à des blocs absolument gigantesques. Quand je dis des blocs, ce sont des rochers de plusieurs mètres. Et donc, l'équipe de Osiris Rex a passé énormément de mois, voire d'années, ça fait 2 ans, je crois, qu'ils sont en orbite autour de Bennu, pour trouver un endroit où, apparemment, vu de loin, c'est-à-dire à une certaine distance de l'astéroïde, il y aurait un peu de poudre, un peu de sable, un peu de matériaux de petite taille. Mmh. Et donc, ils ont Nightingale, je crois qu'ils ont appelé le site Nightingale. Et donc, ils vont se poser aujourd'hui même. Et c'est ce soir vers 23h, et on espère que tout va bien se passer. C'est une manœuvre assez délicate, parce que pendant 10 secondes, la sonde va être au contact avec le sol, il ne faut pas qu'elle rebondisse, il faut que le contact soit maintenu, il ne faut pas non plus qu'elle bascule et qu'elle abîme ses panneaux solaires et qu'elle ne puisse pas repartir. Donc c'est quand même ces 10 secondes vont être extrêmement risquées. Et si tout se passe bien, ensuite la sonde repart, comme la gravité est très faible, c'est très très facile de repartir. Et ensuite la technique qui va être mise en œuvre pour mesurer la masse collectée, alors que Hayabusa 2 n'est pas capable de savoir combien ils ont collecté, Osiris Rex a mis au point une technique que je trouve assez intéressante. En fait, ils font tourner le satellite sur lui-même et ils mesurent le moment d'inertie. Et ça, ils l'ont déjà fait. Avec une très bonne précision, c'est-à-dire en gros la masse tournante, ce qu'on appelle le moment d'inertie. Mmh. Et comme l'échantillon se retrouve au bout d'un bras de 3 mètres, le moment d'inertie va varier. Et donc ils vont refaire cette manip de rotation, ils vont mesurer à nouveau le moment d'inertie, et en faisant la différence, ils vont en déduire la masse collectée. Et le chiffre de 60 grammes qui est souvent cité par l'équipe, c'est en fait le seuil de mesure. Ils sont pas précis à moins de 60 grammes. Par contre, s'ils ont 100 grammes, 500 grammes ou 1 kilo, ou même beaucoup plus d'ailleurs, ils pourront parfaitement le mesurer et je pense qu'on le saura dans les jours qui suivront donc ce qui va se passer cette nuit pour nous dire c'est un succès, on a collecté 1,2 kg et le chiffre sera communiqué. Mmh. Alors néanmoins ça fait cher les 60 grammes puisque le coût total de la mission Osiris Rex c'est 1 milliard. On sait bien que Osiris Rex ça n'est pas une mission à proprement parler de minage, mais néanmoins ça pourrait éventuellement servir de preuve, de concept supplémentaire que l'on peut collecter de la matière sur un astéroïde et la ramener sur Terre. Francis Rocard. Alors oui et non, parce que l'astéroïde Bennu est un astéroïde de type carboné, hydraté, avec donc une proportion de carbone et une proportion de silicate, de cailloux relativement importante, et une proportion de métal qui est extrêmement faible, voire nulle en surface. Alors que quand on va vouloir extraire et exploiter des minerais sur un astéroïde, on va aller sur Psyche, donc il n'est pas le seul d'ailleurs, sur un astéroïde de type métallique. Et là, la question c'est quelle est la dureté du sol, Est-ce que le sol, est-ce qu'on a des petits grains de métaux? Si c'est le cas, ben c'est pas compliqué de les récupérer. Et si on a un bloc de métal, si vous avez un bloc de fer, ben comment vous faites? Et je pense que c'est extraordinairement plus complexe de casser des morceaux de métaux quand vous êtes en gravité zéro sur un astéroïde. Et premier élément, et ensuite, comme je disais tout à l'heure, extrêmement difficile de séparer le fer du nickel, du platine et des terres rares. Mmh. Julien Mariez. Oui, parce que cela souligne quand même, vous l'avez dit, on a un coût quand même qui est assez important, juste pour prélever quelques grammes d'un astéroïde ou d'une comète. Donc ça souligne aussi ce que disait tout à l'heure Francis sur la fragilité des business plans. Des entrepreneurs privés qui ambitionnent d'aller forer des astéroïdes lointains. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les entrepreneurs américains pionniers des années 2010, Planetary Resources, Deep Space Industries, eh bien, ils n'avaient pas les reins suffisamment solides pour mener cette activité. Et de fait, ils n'ont pas forcément disparu, mais ont changé d'activité, littéralement. Donc, aujourd'hui, à défaut d'un fort soutien public et institutionnel et de fonds publics, il est difficile d'envisager des missions purement privées qui iraient comme ça exploiter des astéroïdes et feraient des trillions de dollars. Mmh. C'est quand même aujourd'hui, à mon sens, assez hypothétique. Alors, on va parler de ce qui est peut-être un peu plus réaliste pour conclure cette émission, si vous le voulez bien. C'est la question, justement, de la Lune. Vous parliez tout à l'heure, Francis Rancard, de l'eau, finalement, ce qui est aujourd'hui à notre portée et ce qui est finalement le plus intéressant dans la capacité d'aller récupérer un matériau sur un objet, sur un astre, sur un objet céleste, ce serait d'aller récupérer de l'eau, soit sur le pôle sud de la Lune, soit même, pourquoi pas, sur des astéroïdes. Oui, là le contexte est totalement différent puisque vous avez un organisme au monde qui s'appelle la NASA qui est prête à payer relativement cher cette eau qui serait exploitée par une société privée, que ce soit à la surface de la Lune ou sur un astéroïde. Et donc cette société est dans une situation de se dire, bon, je peux investir et si je réussis, je suis payé en fournissant une tonne d'eau à la NASA qu'elle pourrait payer, je ne sais pas, 1 million, peut-être 10 millions de dollars. Je ne connais pas les chiffres. Hein. D'ailleurs, les chiffres ne sont pas connus. Mais on peut imaginer qu'il y a que le jeu en vaut la chandelle en termes financiers. Et donc, il y a beaucoup de sociétés qui proposent à la NASA des concepts, des preuves de concept, comme vous disiez tout à l'heure, pour extraire l'eau, par exemple, à la surface de la Lune. Vous savez qu'il y a un attrait extrêmement fort pour le pôle sud de la Lune en ce moment. Il y a environ une trentaine de missions spatiales lunaires qui sont en préparation dans les 10 ans qui viennent, ce qui est quand même absolument gigantesque. Il y a eu des décennies où il y avait 0 mission spatiale vers la Lune. Et là, on en a une trentaine qui se préparent. Alors, il y a un très gros retour des Américains sur la Lune à travers la Lunar Orbital Platform Gateway. Et puis, avec Trump, maintenant, le retour, ce qui s'appelait le programme Artemis, c'est-à-dire de se poser sur la Lune avec des hommes en 2024, c'est le nouveau Apollo. Mais en fait, ça s'appelle Artemis aujourd'hui. Pourquoi, quel est l'intérêt de récupérer de l'eau sur la Lune, puisque de l'eau, on en a en abondance sur Terre? Alors, on imagine bien que c'est évidemment pour avoir des ressources in situ, mais les technologies pour récupérer de l'eau in situ ne sont pas plus chères ou plus complexes que finalement simplement ramener des containers depuis la Terre? Francis Rocard? Le coût d'une tonne d'eau envoyée vers Mars se chiffre probablement au niveau de peut-être entre 100 millions et 1 milliard de dollars parce qu'il faut toute l'infrastructure et la propulsion et la fusée pour envoyer votre tonne d'eau vers Mars. Donc si vous avez un moyen Ah, je crois que nous venons de perdre Francis Rocard au téléphone. On va essayer de le rappeler. Peut-être un mot, Julien Mariez, là-dessus, sur les coûts. Évidemment, c'est une réduction des coûts drastique d'imaginer de pouvoir récupérer sur place, même en développant les technologies de minage qui seraient les technologies de minage adéquates. Oui, je suis pas un expert, évidemment, économique, mais effectivement, ce qu'on entend dire, c'est que il est infiniment plus économique sur le long terme de produire l'eau sur place, qui suppose évidemment un investissement initial assez important, hein, pour récupérer l'eau, la traiter, que effectivement de faire venir à échelon régulier de l'eau sur Mars ou sur la Lune. Donc il y a clairement un avantage économique à exploiter les ressources en eau qui seraient existantes sur la Lune ou sur Mars. Et je crois que nous venons de retrouver Francis Rocard. La question, juste une question de technologie aujourd'hui, c'est facile d'extraire de l'eau sur la Lune? On sait faire avec les moyens dont on dispose aujourd'hui? Non, c'est pas du tout simple. En gros, il y a deux grandes stratégies qui vont être étudiées. La stratégie un peu qui va consister à creuser et à récupérer tout le matériau que vous avez sous les pieds et puis le mettre dans une cuve et chauffer et l'eau va s'évaporer et vous allez condenser l'eau. Ça, c'est une technique, mais ça nécessite pas mal d'opérations successives, donc prélèvement avec des pelles, en supposant que le sol n'est pas trop dur, et puis ces fameuses cubes, et puis de l'énergie pour chauffer. Il y a une autre technique assez originale qui a été proposée par une société américaine, c'est d'envoyer, donc il s'agit des fonds de cratères en permanence dans la nuit, très très froid, donc situé au pôle sud, quand je dis très très froid, on est à moins de 100 degrés, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, cette température pose des problèmes gigantesques pour envoyer des robots mobiles. Je doute que des robots mobiles puissent survivre. Et la technique consiste à avoir sur le fond de caisse, ce qu'on appelle le fond de caisse du rover, donc du système mobile, en fait un gigantesque four à micro-ondes, et qui va donc le rover va s'arrêter à un endroit et va allumer son four et à ce moment-là ça va chauffer la surface du sol qui est juste en dessous et vous avez sur les à certains endroits encore une fois sous le rover vous avez des ce qu'on appelle les doigts froids, c'est-à-dire des zones extrêmement froides et toute la vapeur d'eau qui va s'évaporer du sol va venir se condenser sur les doigts froids et vous allez comme ça récupérer de l'eau. Mais encore faut-il le faire, voir quel est le rendement, combien de kilos on a à l'heure, etc., etc. Et tout, pour l'instant, rien n'a été fait dans ce domaine encore. Une dernière question, Francis Rocard, pour conclure. On a parlé de l'eau, on a parlé des métaux précieux. Alors, il y a aussi une sorte de vieux serpent de mer à propos de l'hélium-3 qu'on pourrait collecter sur la Lune, dont on dispose dans très petites quantités sur Terre et qui pourrait être là aussi une sorte de corne d'abondance, en l'occurrence pour des problématiques énergétiques. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais là aussi, c'est une sorte de fantasme. Alors, c'est un fantasme pour la deuxième moitié de ce siècle. Et il s'agit de faire de la fusion propre, c'est-à-dire de la fusion non radioactive, ce qui est quand même le rêve d'un physicien nucléaire. Simplement, c'est une fusion qui est extrêmement difficile à faire. Et par ailleurs, il n'y a pas d'hélium-3 sur Terre, quasiment pas. Donc il faut aller chercher l'hélium-3 qui vient des ions du vent solaire qui bombarde en permanence la Lune. Cet hélium-3 existe en abondance faible, mais avec des processus d'extraction assez volumineux, en brassant énormément de tonnes de régolithes, on peut arriver assez facilement à récupérer l'hélium-3. Et donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire cette fusion sur Terre. Donc, on est certainement dans une des perspectives à 30, 40, 50 ans. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Francis Rocard, merci Julien Mariez d'être venu nous parler bien de un peu ce qu'on pourrait qualifier avec nos camarades de Sciences et Vie de grand bluff de l'exploration minière spatiale, ou en tout cas des grandes étapes qu'il reste à franchir avant de pouvoir y arriver. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Eve Etienne, Emilia Guet-Saint-Villefranc, François Malordi, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Hélène Trigueros à la réalisation, Swad Boukorsa à la technique. Demain, nous parlerons d'énergie aussi. Est-ce que beaucoup dépeignent comme l'énergie du futur? Ce n'est pas l'hélium-3 encore. Il sera question à plus court terme de la filière hydrogène, alors qu'Airbus vient d'annoncer la mise en production de son futur avion à hydrogène pour les prochaines années. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.